Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Quelques particularités relatives à l'œuf. Impossibilité de distinguer l'œuf fécondé de celui qui ne l'est pas, de l'incubation, la chaleur seule agit, l'œuf de l'oiseau, sa protection assurée, aliment calculé, sécrétion du lait pour les vivipares, les causes finales, sollicitude des géniteurs, quelques exemples pris au hasard, réhabilitation de l'huître par Monsieur Coste, curieuse expérience d'Aristote sur les pigeons, il n'est pas de petits faits dans les sciences. Tout ce qui touche à l'œuf offre un tel intérêt, parfois même une telle importance, que nous croyons devoir revenir encore sur certaines particularités qui s'y rattachent. L'impossibilité que nous avons signalée de distinguer l'œuf d'une espèce de l'œuf d'une autre espèce existe au même degré pour l'œuf fécondé et celui qui ne l'est pas. Rien ne trahit leur différence d'état, et il n'y a d'autre pierre de touche que l'incubation. Si l'œuf soumis à l'incubation n'est pas fécondé, il ne tarde pas à se corrompre. S'il est fécondé, l'incubation y produit à l'instant même tout un travail intérieur qui se termine par l'éclosion d'un nouvel être. Qu'a-t-il fallu pour amener ce résultat? Un peu de chaleur. Ce que la mère donne à l'œuf en le couvant, c'est uniquement de la chaleur. Aussi les œufs d'une espèce peuvent-ils être couvés par les animaux d'une autre espèce, par exemple, les œufs d'une canne par une poule et réciproquement, toute chaleur est bonne pour cet usage. De là ces incubations artificielles, connues déjà de l'ancienne Égypte, où je les ai vues pratiquer au même lieu qu'autrefois et qui, aujourd'hui en France, constituent toute une industrie. Note. C'est surtout dans les environs du Caire, aux endroits décrits par Strabon et par Pline, que se trouvent les fours à éclosion. Fin de la note. Je regrette que les termes un peu techniques, dont il me faudrait nécessairement user, ne me permettent pas de décrire les évolutions diverses par lesquelles le germe passe d'une vie latente à une vie active. Je ne saurais toutefois ne pas indiquer quelques-unes des précautions minutieuses dont la nature entoure l'œuf. Prenons comme spécimen celui de l'oiseau. Et d'abord, pour des organes aussi frêles que le sont ceux du nouvel être, une enveloppe commune et protectrice était nécessaire. Cette enveloppe est la coquille. Au moyen de sa coquille, l'œuf peut résister aux agents de destruction qui l'environnent. En second lieu, il fallait que le nouvel être fût préservé du contact des autres parties qui composent l'œuf, et garanti des chocs et des secousses du dehors. C'est le liquide dans lequel il nage, et qu'on appelle le blanc, qui remplit ses importantes fonctions. En troisième lieu, l'œuf étant complètement séparé de sa mère, s'il n'y avait pas eu dans l'œuf même une provision de nourriture, comment le fœtus eut-il vécu? Aussi le jaune contient-il une provision de matière nutritive telle qu'il la fallait pour le jeune être? Cette provision a été si bien calculée que le fœtus trouve dans l'œuf tout juste ce qu'il lui faut de nourriture pour le temps de son développement. Est-elle épuisée? Aussitôt il brise sa coquille avec son bec et sort de sa prison qui, sans cela, deviendrait pour lui une tour de la faim. Dans les vivipares, chose admirable, il se développe parallèlement à la croissance du fœtus, non pas en lui, mais dans sa mère, un organe destiné à préparer son aliment après sa naissance, cet organe est la mamelle, cet aliment est le lait. En face de ces précautions et de ces prévisions, n'est-il pas manifeste que les fonctions sont le but, la fin des organes, et ne sommes-nous pas fondés à dire que la physiologie est parfois la démonstration la plus évidente des causes finales? Cette sollicitude que la nature déploie à l'égard de l'œuf, nous la retrouvons dans la tendresse instinctive et éminemment pratique des géniteurs, soit pour éviter les agents physiques qui pourraient lui nuire, soit pour utiliser ceux qui doivent en favoriser l'éclosion. Citons de même quelques exemples pris un peu au hasard parmi les diverses espèces animales. Les oiseaux construisent leur nid de manière à préserver leur couvée des atteintes de la pluie et du souffle de certains vents, tout en ménageant l'accès de l'air et de la lumière. Les reptiles terrestres enterrent leurs œufs à une profondeur habilement calculée, pour les soustraire à toute action variable de l'humidité, de la chaleur ou du froid. Les poissons les déposent dans les endroits où ils sont le moins exposés aux causes si nombreuses de destruction qui les entourent. Enfin, qui le croirait, celui de tous les animaux à qui Monsieur Coste, juge si compétent en pareille matière, décerne la palme de cette sorte de préscience, c'est l'huître. On ne s'attendait guère à voir une huître en cette affaire. Que de ressources, que d'habileté déploie effectivement ce précieux mollusque. D'abord il fait choix d'un rocher parfaitement à l'abri des courants trop rapides et du choc trop direct des vagues, puis il y dépose, non pas indifféremment sur telle ou telle surface, mais là où les aspérités rendront l'adhérence plus facile, ces ovules qu'enveloppent un enduit visqueux. Le niveau où aura lieu ce dépôt indique une profonde connaissance des marées, il est combiné de telle sorte que le frais n'est jamais à sec, même par les eaux les plus basses, tandis que, quand la mer bat le plein, la couche d'eau qui le recouvre n'est jamais assez épaisse pour intercepter complètement le passage des rayons et de la chaleur solaire. Puis, plus tard, quels soins pour élever la jeune famille, quelle sollicitude pour la nourrir. À cet égard, trop vous engager à lire les pages si bien senties et si émouvantes de Monsieur Coste. Elles sont la réhabilitation de cet intelligent bivalve, trop légèrement jugé par la foule, et qui ne mérite réellement qu'un seul reproche, celui de coûter beaucoup trop cher. Mais je n'en finirai pas, si je voulais, non pas épuiser, mais seulement effleurer les divers sujets qui se rattachent à ces questions d'ovologie, qu'il me suffise de citer en terminant une curieuse et jolie expérience d'Aristote, qui prouve que tout est calculé dans la nature. Histoire des animaux, tome 2, livre 5e, chapitre 1er. On sait que le pigeon produit 2 œufs, l'un mâle, l'autre femelle, cela est invariable. Aristote voulut savoir quel était celui des 2 sexes qui naissait le premier. Il trouva que toujours le premier œuf donnait le mâle, et toujours le second la femelle. Ainsi donc, dans l'espèce pigeon, la loi générale est que toute couvée produise un couple et que ce soit le mâle qui ait constamment le pas. Le philosophe ou plutôt celui qui se croit philosophe dédaigne ces faits qu'il regarde comme petits et puérils. Savoir quel est celui des 2 sexes qui naît le premier, qu'importe, s'écriera-t-il. Mais tout résultat fourni par l'observation scientifique a son utilité. Un des plus beaux privilèges de la pensée, a dit Monsieur Flourens, est de s'élever par l'étude comparée des faits, même les plus petits, à la connaissance de quelques lois de la nature, chose toujours très grande. Tout être vivant conserve son individualité originelle. Une allégation de Darwin réfutée, la matière obéit à la vitalité, jamais de permutation entre espèces, toutes restent fidèles à leur organisation primordiale. Agassiz, preuves empruntées aux polypes, L'individualité du germe ne dévie jamais. Quelque habile, quelque ingénieuse que soient les mesures prises par les animaux pour garantir leur progéniture, il y aura toujours quelque chose de plus puissant que leur prévision, c'est l'action incessante ou brusque des éléments. Or, s'il est vrai, ainsi que le prétend Darwin, que l'ovule n'appartienne, originairement, à aucune espèce pas plus qu'à aucune autre, qu'il n'existe en lui aucun principe inné, et que, s'il devient tel animal plutôt que tel autre, c'est uniquement le résultat des milieux au sein desquels il s'est développé et a grandi, le moindre incident qui modifiera les conditions primordiales du germe amènera la perte de son individualité. Or, qu'apprend l'observation ? Elle donne à toutes ces élucubrations de Darwin le démenti le plus formel. Jamais on ne voit aucun être vivant sortir du plan établi pour sa classe, ni produire autre chose que ce qu'il est lui-même. En d'autres termes, jamais il ne perd son individualité originelle. Chaque pièce, chaque rudiment qui entre dans la composition du germe a si bien sa destination marquée d'avance, que les premières évolutions de l'animal amènent des assimilations différentes, bien que puisées aux mêmes éléments chimiques. Voici, par exemple, du phosphate de chaux. Tant que la vie ne l'a point touché, il reste le même comme cristallisation et comme agencement moléculaire, mais, intervienne la vitalité, à dater de ce moment il subit les plus étranges métamorphoses. Le poisson en fait ses épines, et chaque poisson fait les siennes à sa manière, la tortue en fait sa carapace, le limaçon sa coquille, mais toujours sur le même plan, enfin l'homme, semblable en cela à tous les vertébrés, en fait la charpente de son squelette. La matière, loin d'avoir une volonté en elle, obéit donc servilement à la vitalité. Sans doute elle possède certaines forces, l'électricité, la chaleur, les affinités chimiques, mais ces forces restent latentes tant qu'une puissance supérieure, la vitalité, ne les met pas en jeu. Il faut même, pour qu'elle ne s'égare pas au milieu des phases si variées de la production des espèces, que cette même puissance en règle et en dirige l'action. Ainsi, tout ce qui respire, omnivivum, commence avec l'œuf et reproduit, à chaque génération, tous les changements de développement et de transformation qui sont caractéristiques de sa race. C'est par milliers que l'on compte les différentes espèces animales répandues sur notre planète et appartenant à différents types. Or, chacune de ces espèces présente une même ligne de développement et reste constamment fidèle. Tout moineau commence par être œuf et subit les diverses évolutions qui appartiennent au genre moineau, jusqu'à l'époque où il est capable de produire lui-même des œufs, qui passeront à leur tour par la même filière. Tout papillon vient de l'œuf qui engendre la chenille, laquelle chenille se change en chrysalide pour aboutir au papillon qui pond des œufs, et ces œufs parcourront des phases identiques. Il en sera de même pour toutes les autres espèces animales, quel que soit le degré d'humilité ou de perfection de leur type. Jamais vous n'apercevrez de ces permutations dont parle Darwin, et qui feraient qu'un être quelconque, à un moment donné de l'évolution de l'œuf dont il émane, perdit son individualité pour revêtir celle d'un autre. C'est ce qui a fait dire à Agassiz, sous forme d'aphorisme, depuis l'introduction première, en ce monde, des animaux, il n'apparaît pas le plus petit indice qu'une espèce se soit jamais transformée en une autre. Nous dirons de notre côté, puisque les animaux qui vivent aujourd'hui ne sont pas susceptibles de changer et ne passent pas de l'un à l'autre, Est-il logique de prétendre que ceux des âges reculés sont devenus ce que nous les voyons maintenant, par suite de changements accomplis dans les générations successives? Les lois de la nature ont-elles donc tellement changé elles-mêmes, que ce qui ne se fait pas actuellement se soit fait autrefois? Pareille assertion n'est ni acceptable ni même discutable. De même que le cycle accompli par chaque animal, depuis son départ de l'œuf jusqu'à sa condition parfaite, retourne au plan imprimé par le Créateur. De même les diverses constitutions fossiles dont nous trouvons les débris jusque dans les roches indiquent une même identité d'organisation primordiale et de développement ultérieur. Par conséquent, ce qui ne se fait pas aujourd'hui n'a pu se faire autrefois, quelque antiquité que vous attribuiez au monde, c'est ce que prouve le plus simple raisonnement. Ainsi, est-il possible de dire que les animaux qui furent contemporains sont descendants les uns des autres, ou que des animaux qui ont apparu à la même époque aient échangé leur individualité? Certainement non. Il y a eu tout autant de commencements qu'il existe de représentants de chaque classe. Voyez les polypes, ils ont existé depuis l'origine, or, ils se sont maintenus à travers les âges et les diverses révolutions du globe, en restant toujours polypes. Sans doute, répond Darwin, mais les polypes de la période la plus ancienne appartiennent aux types les plus bas, et les polypes vivant actuellement occupent un rang beaucoup plus élevé. Donc, tous ces types se sont perfectionnés, puisque les changements subis ont conduit à un type d'un ordre supérieur. Cette objection n'a rien de fondé, elle repose sur des apparences illusoires ou de fausses interprétations. En effet, si nous trouvons aujourd'hui des polypes supérieurs à ceux qui existaient jadis, nous avons, tout à côté d'eux, des polypes aussi bas d'organisation que les plus anciennement connus. Qui aurait pu donner ainsi à certaines formes le don et la faculté de devenir quelque chose de plus haut, et à certaines autres formes l'intention et les moyens de rester, au contraire, à un niveau inférieur. Nous trouvons, je le répète, les formes les plus humbles coexistant côte à côte avec les formes les plus élevées. Il y aurait donc eu, d'après la doctrine de la transformation, des êtres capables de se changer eux-mêmes en même temps qu'ils restaient ce qu'ils étaient, et les mêmes influences auraient produit sur certains d'entre eux un changement qu'elles empêchaient de s'opérer sur d'autres. Rien de cela n'est possible, et une doctrine, en opposition si flagrante avec les faits, ne saurait être la fidèle interprète de la nature. D'ailleurs, ces différences dans le développement des types portent sur de simples détails et non sur l'essence même de leur personnalité. Ne voit-on pas également tous les jours, dans une même famille qui compte plusieurs enfants, les uns devenir forts et robustes, les autres rester chétifs et malingres? Que peut-on en conclure contre leur ordre de filiation et leur degré de parenté? Ainsi donc, l'individualité du germe ne saurait être détournée des voies qu'a tracées d'avance la main du Créateur, il y a là une barrière qui vous arrêtera toujours, à quelque artifice même que vous ayez recours pour l'éluder. Est-ce que, pour ne citer qu'un de ces artifices, quand vous faites couver des œufs de canard par une poule, il arrive jamais que vous obteniez des petits poulets au lieu de canetons? Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF.fr, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.